Audiomatique. Ciao. amorcer la transmission 404 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe français Feu Chatterton. De son troisième album, Palais d'Argile, paru en 2021, nous entendions la pièce Cantique. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois sans plus attendre avec la collaboration entre Nick Cave et Warren Ellis. I waited for your word forever yearning, as the days break like waves upon the shore. How long have I waited for your touch forever burning? Lord, I cannot wait a single moment more. For the stag stands triumphant on the hill, his antlers rake lightning across the sphere. One bright day I will come and I will kneel within your boundless majesty so clear. When will I awaken to your love, sleeping love, as the day breaks like waves upon the shore? When will I awaken to your touch, your sleeping touch? Lord, I cannot wait a single moment more. Mercy on me, Lord, I have done wrong. A crystal piano plays dreadful in my spleen. A hatred and a desolator song, here and there and each part in between. I have eaten the children, rained fire upon the old, dashed the newborn dead upon the rocks. Plagued the cities, thrown families to the cold, and turned backwards all the advancing clocks. I am the mist maker moving through the throng, a cloud of carnage everywhere I roam. Crystal piano plays the desolator's song. Have mercy on me, Lord, and bring me home. My way deep into surrender. I have stretched my aching body across the world. I have stood at the threshold of your wonder. Bid me enter, Lord, allow me to unfold. Lay your golden head upon my breast. Pierce me deep and usher me inside. Your threshold where I will eternal rest, my heart, my love, my Lord, my only bride. My heart, my love, my Lord, my one true bride. Sanctuary where the eternal yearning rest. Unpetal me and burst me open wide, and lay your shining head upon my breast. Thank you. I have wandered all my unending days, shadowed your shining aspect in the stars, hid in alleys and tramped broken highways, with little in my pockets but my prayers. And I have searched all my unending days, slept in fields beneath a canopy of stars, your face emerging in the early morning haze, held in its position by my prayers. And though I have nothing but this prayer, that all will be revealed by and by, I pray someday, my Lord, you will appear and lead me to your mansion in the sky. Splendor, Lord, O glorious splendor, the world explodes amazing at your hand. O glory, Lord, O splendoring wonder, march together across this loud and fiery land. Wonder, Lord, O glorious fascination, a gas canister spins hissing through the street. Praise you with wondrous adoration, in love and blessed glory, O defeat. Such things should never happen, but we die. The swallow finds an oak to nest her young. Defenseless between the earth and the sky, uncounted beneath the vast, indifferent sun. A mother holds her baby to her breast. She trusts in you, yet does not dare to breathe. As the baby sparrow falls from its nest, as the mighty oak does not appear to see. Such things should never happen, but they do. Beside a little box, a mother cries. The swallow seeks to build its nest anew. The oak tree lifts its branches to its eyes. I come alone and to you, Lord, in sorrow. Thirsty for your refuge, I cannot breathe. I kneel among your stars and in the morrow. I have nothing more to offer but to leave. Deep calls to deep, the silver waters flow, winding through the gardens damp with dew. Deep calls to deep, I have nowhere left to go, but to you, Lord, breathless, but to you. Il s'agissait à Audiomatic de l'artiste australien Nick Cave qui nous présentait les sept psaumes de son mini-album Seven Psalms, sorti le 1er juillet 2022, sur lequel il récite des textes sur des musiques qu'il a composées avec son comparse et compatriote Warren Ellis. Il nous interprétait donc dans l'ordre « How long have I waited ?» Have mercy on me. I have trembled my way deep. I have wandered all my unending days. Splendor, glorious splendor. Such things should never happen. Et I come alone unto you. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique du compositeur Steve Reich et la deuxième partie de son œuvre Drumming. Thank you. Audiomatique, nous venons d'écouter la deuxième partie de l'œuvre Drumming, composée par Steve Reich. L'œuvre intégrale, qui a été créée en 1971 et enregistrée une première fois en 1974, compte quatre parties exécutées sans interruption et qui totalisent un peu moins d'une heure et demie. Chaque partie s'imbrique les unes dans les autres, laissant dans les transitions chacune la place à différents instruments. Et dans le cas de la deuxième partie que nous avons entendue, ce sont trois marimbas et des voix de femmes qui sont à l'honneur. L'œuvre Drumming, replacée dans son époque, représente un monde où l'ancien et le moderne, l'occidental et le non-occidental ne sont plus des catégories séparées. Dans son ensemble, l'œuvre Drumming est conçue pour un orchestre composé de quatre paires de bongos accordés, trois marimbas, trois glockenspiels, des voix masculines et féminines, un sifflet et un piccolo. En conclusion de cette transmission 404 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous présenter la musique du groupe suisse The Young Gods, tiré de son 12e album studio Data Mirage Tangram, lancé en 2019. Nous entendrons la chanson « You Gave Me a Name ». La transmission 405 d'Audiomatique sera diffusée mercredi prochain à 17h en direct sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Ensuite, les sonoristes la déposeront en balado-diffusion sur leur profil facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc le groupe The Young Gods et sa chanson « You Gave Me a Name ». C'était Audiomatique avec les sonoristes.